culture. À Trois-Rivières, c'est le 89.1. Le plan d'aujourd'hui, assemblage requis. Laurent Constantin sondera le terrain du QTR pour y dénicher des nouvelles dans Déchiffrons le campus. Et Justine Renaud provoquera chez nous une dépendance à sa chronique musico-scientifique Justine Pertine. Assemblage requis commence tout de suite. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Bon matin, bonjour, bienvenue à Assemblage requis en ce jeudi 25 septembre 2014. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Stéphanie Paradis. Et on est en direct des studios de C'est fou à Trois-Rivières, ici même. Tellement. C'est vraiment vrai. Ben oui, on n'est pas dans notre salon, ni dans le vôtre. Et on n'est pas préenregistré à Montréal, faisant semblant d'être en région. Non, c'est pas vrai. Donc, aujourd'hui, l'émission, Steph, premièrement, ça va bien? Ouais. Et toi? Ça va être le sujet principal de l'émission d'aujourd'hui. Notre humeur. Donc, aujourd'hui, l'émission, ça va bien? Oui. Puis là, ça va-tu bien? Ça va encore mieux que tantôt, mais moins bien que plus tard. Donc, aujourd'hui, l'émission, on va voir Laurent Constantin qui s'en vient dans les prochaines minutes. C'est lui qui va débuter l'émission avec sa chronique Déchiffrons le campus. Il nous trouve tout le temps un sujet vraiment pertinent. Ben oui. Ouais. On devrait apprendre de ses non-erreurs. Non. Moi, j'aime ça commencer l'émission avec de l'impertinence. Pourquoi j'ai dit ses non-erreurs? Je sais pas. C'est une liaison qui ne se fait pas vraiment. En tant que reine du français, tu devrais savoir ça. Non-erreur. Ça, non ça se dit pas. Non, c'est non ça. Non-erreur. Fait que j'invente un mot. C'est tout ensemble et c'est non-erreur. Puis si t'inventes un mot, tu peux faire une liaison, tu veux, c'est ça? Là. Non, il est ensemble, il n'y a pas de liaison, c'est un mot. OK, puis il y a un Z dans le milieu. Exactement. Parfait. Ensuite, à 8h, Justine Renaud viendra. Ah. Oui, pour sa chronique musico-scientifique Justine Pertine. Elle nous parle d'un sujet par rapport à la science et elle passe des pièces qui ont rapport avec ça. Super bon, ça, c'est à 8h. À 9h, Total Poste d'écoute. Oui. Un nouvel album de la discothèque de C'est fou. Oui, puis ça va être vraiment bon. Ah oui? Je suis très enthousiaste. Bon, Caroline, je suis excité, moi. Et autour de ça, la chronique maison habituelle du jeudi, c'est les instructions d'assemblage. Voilà. Mes avances, on commence en musique avec une nouvelle entrée que tu me demandes de jouer là parce que oui. Tu l'aimes bien. C'est notre petit homme riche dans le coin. Rich Aquin. Yes. Avec Want to Believe. Bonne émission, Steph. Bonne émission, Mathieu. Merci, vous aussi, les petits requins. See it so. Want to Believe par Rich Aquin. Oui, il chante I Wanna Be a Believer. Mais ça, c'est un raccourci, Want to Believe. Mais oui. Des fois, c'était un peu une confusion. Mais je pensais que j'étais un petit peu folle puis j'avais buzzé en entendant ça. Pour ça, c'est deux questions que tu me poses? Hein? Je pensais que j'étais folle et aussi. Ah, non. Je t'ai pas besoin de répondre à ça, okay. S'il te plaît. Je vais lister les façons pour les, dans lesquelles. Desquelles. Les raisons pour lesquelles, tiens, voilà, on va dire comme ça, pour lesquelles t'es pas folle, voici son foutu palmarès. C'est son foutu palmarès, c'est la chronique où on fait les fingers! Non, c'est pas vrai. C'est la... Et je t'emmerde, c'est pas ma bien fin comme parole, je trouve. Il y en a des pires que ça. Il y en a des pas mal pires, oui. Je vous en fais entendre même, des pires. Un jour. On va avoir la chance. Peut-être de la vulgarité en ongle. Donc, aujourd'hui, dans son foutu palmarès, on fait une petite liste de 16 ou environ mots qu'on devrait, qu'on a oubliés dans la langue anglaise et qu'on devrait ramener. OK. Des mots intéressants. Tu sais, la langue anglaise change à travers le temps. Il y a un livre qui s'appelle Forgotten English par Jesse Carsick qui regarde un peu l'origine et l'historique, l'histoire derrière ces reliques du langage anglais. Donc, quelques petites listes de ça. Commençons par astrologamage. Qu'est-ce que c'est ça? Astrologamage, voilà. Donc, c'est pour les dieuses de Bonaventure de l'ère médiévale. Ça, j'allais dire, ça doit avoir rapport avec les étoiles, astro? Ben, probablement. Donc, les supposés... comment t'appelles ça, là, les rois mages, qu'on les appelle en français, les wise men, hein? Okay, les rois mages. OK, je pensais qu'on allait parler plus de ganache, là, tu sais, ou chocolat, mais gamage, j'étais pas loin. Si seulement. Donc, c'est des sages hommes, donc des... c'est ça, des rois mages qui faisaient des prédictions basées sur ce qui se passait dans le ciel. On appelait ça l'astrologamage. Sérieusement? Ouais. Ensuite, ben, si cela, tu le crois pas, imagine crapulence. Pas ça, c'est... OK, non, je pensais que c'était des flatulences, mais un peu plus... Grassouillettes? Compact. Ah, OK, bien... présente. Ouais, ouais. Dans ta façon, ça sent pas la rose, ça, hein? Donc, est-ce que je raconte l'anecdote là? Ça fait très bien. Oui. Je vais-tu m'en rappeler après ça que je vais l'avoir faite, là? Ah non, vas-y. OK. On parle de flatulences. au restaurant hier, OK? Un restaurant indien. Qu'on salue, d'ailleurs, éléphant. Salut. Donc, bon, je mange, hein, je vais aux toilettes, comme tout le monde le fait éventuellement. Ça arrive, surtout quand tu manges l'Indien. Ben, c'est ça, c'est parce qu'à un moment donné, tu pars en fusée. Donc, je sors du cubicule toiletteux. Hein. Il y a un monsieur qui entre. Je le vois, tu sais, là, je me lave les mains. Hein. Là, il entre, tu sais, puis il prend son temps. Puis, il sort. Puis, il me dit « Oh, ça sent pas la rose là-dedans. » Là, je fais comme « Ben ouais, mais désolé, hein, tu sais, je mange de l'Indien. C'est un peu ça que ça fait, tu sais, au pire. » Puis, il n'y a pas de push-push, ça. Fait que là, il dit « Ah, je suis tellement sensible à ça, je vais aller dans la toilette des femmes. »« OK, who cares? C'est vraiment pas mon problème. » Je veux dire, c'est quoi, là? Quel tact! Quelle tâche, tu veux dire. Puis, en tout cas, je suis remonté, puis il est revenu s'asseoir, puis de rien n'était, tu sais. Moi, je t'ai raconté ça, il passait derrière, puis il doit le savoir, puis il doit l'avoir raconté à sa femme, puis je comprends pas pourquoi tu dis ces phrases-là dans la vie, t'as pas de filtre, hein? Mais c'est juste comme, fais-le, puis essaye de pas croiser le regard de l'autre personne. Ben, c'est ça, va-t'en. Personne veut se parler des toilettes de... Voyons, en tout cas, bref, peu importe. Ça me fait penser au Coconut Bar, il y a quelques années, quand quelqu'un était monté par-dessus le cubicule, puis qui me dit, t'as-tu fini? Est-ce que les fesses sont jaunes, non? Non. Ben voyons donc. Ben non. Il avait 16 ans, il était rentré par effraction dans le bar. Il trouvait ça comme drôle, j'imagine, de faire ça. Oh mon Dieu. Hey, c'est que deux fois dans ma vie, là, des histoires de toilettes, ça va faire, hein? Écoute, j'ai hâte d'entendre la troisième. On dirait que c'est juste à moi que ça arrive, ça va. Bref, on était dans la liste, étrangement, des mots en anglais qu'on devrait ramener. Aucun rapport avec le sujet. Mais c'est parce que le prochain, c'est crapulence. Hein, crapulence, un mot qui a probablement aucun lien. Avec, non, les besoins, non, sûrement pas, le numéro 2. Donc, c'est une racine latine, crapula, hein, qui est arrivée au 18e siècle, selon Carsick, l'auteur du livre dont on a parlé au début du bloc. Ah, c'est le frère de Dracula, crapula. C'est son frère un petit peu plus mal propre qui aurait pu, là. T'as quelque chose sur le bord de la fesse. Donc, ça donnait une détresse intestinale. Donc, c'est à cause d'une débauche, peut-être. Tu sais, t'as beaucoup bu, donc t'avais mal à l'estomac, donc crapulence. Donc, ça a un rapport avec, on dirait... Ah. Peut-être que le mot crapulence a mené à crap, qui veut dire besoin numéro 2. On sait pas. Donc, bref... Ah, ben probablement, sais-tu? Ben, moi, je dis qu'il y aurait un lien. Surtout la racine crapula latine a certainement un rapport avec ça. Fort probablement. Ensuite, eye servant. Donc, serviteur oculaire, si on veut, eye servant. OK, ça, c'est comme l'ancien nom des chiens guides là, pour aveugles, mais c'était des personnes qui servaient à ça. C'est le serviteur oculaire. C'est ça? Peut-être non, en fait. Je te dirais, je n'ai pas encore lu le paragraphe et je vais te dire que non. Donc, c'est un terme qui décrit un serviteur dont la seule charge... Donc, attends un peu. Qui faisait ce qu'il avait à faire, donc qui suivait les ordres... de façon paresseuse, sauf lorsqu'il était dans le champ de vision de son maître. Hein? OK. Donc, si tu remplaces serviteur avec employé ou n'importe quoi, tu pourrais voir que ça existe encore aujourd'hui. Donc, c'est quelqu'un qui travaille seulement lorsque son maître le voit. Donc, si tu le vois pas, il paraisse un petit peu, tu sais. Uh-huh. Il travaille pas aussi fort. OK, donc, il y en a beaucoup qui font ça encore aujourd'hui. Les serviteurs oculaires. Ouais. Flitter walking. C'est une expression en vieil anglais, probablement empruntée de l'allemand. Probablement. Qui veut dire les semaines qui s'envolent. Donc, ça réfère à ce qu'on appelle aujourd'hui une lune de miel. Ah. Donc, flitterwoken, les semaines qui s'envolent. Donc, t'as une lune de miel, les semaines. Tu sais. Fleeting weeks. Donc, elles s'envolent, elles s'en vont doucement. Ensuite, fribbler. Tu avais gardé ton accent allemand. Frouleur. Oui, exactement. Donc, ce terme vient bon, du... caricatural. Et absolument vraiment pas représentatif. Et même probablement insultant. Et sûrement raciste. donc, ce terme-là vient du 18e siècle. Donc, ça se pourrait très bien que tu sois toi-même une fribbler, Steph. Moi? Ouais. Ça suffit, les insultes? Peut-être pas toi. Plus moi, disons. Donc, il dit vraiment aimer une femme et ne veut pas s'engager. Donc, c'est le comportement d'un fribbler. Mais j'imagine que ça pourrait fonctionner du côté inverse aussi. Tu ne veux pas t'engager. Ah, oui. Le comportement d'un fribbler, c'était fribbledom. Donc, c'est quelqu'un qui ne veut pas s'engager dans une relation à long terme. Mm-hmm. Ensuite, groaning cheese. Groaning cheese. Qu'est-ce que c'est ça? À l'époque, les maris ne faisaient pas que tenir la main de leur femme pendant la naissance d'un enfant. Ils leur donnaient aussi la version médiévale d'une épidurale, donc du fromage. Du fromage, c'est ce qu'on dit. Donc, le groaning cheese, c'est ce qui calmait une femme en labeur, donc en train d'accoucher. Et donc, c'est le mari qui allait accoupler le groaning cheese avec du groaning cake, une sorte de gâteau, hein, et du groaning drink, donc une boisson. C'est-tu, moi, j'ai l'impression que ça a un petit peu évolué? Probablement un petit peu. La médecine est... Et les drogues dures. Que, honnêtement, si on me propose, tu veux-tu du fromage ou l'épidural? Je sais pas. je sais pas non plus. L'épidural, c'est, j'imagine, la plus commune. Il doit y avoir des pilules ou des... pas des pilules, des piqûres. Excuse-moi. Des piqûres. C'est l'épidural. C'est une piqûre, c'est ça, dans la colonne. J'essaie de trouver quelque chose qu'on pourrait faire gratiner. Quelque chose que tu veux faire gratiner. Une pilule gratinée. Tu peux faire gratiner l'aiguille, tu peux faire gratiner la face directe, puis je vais me chier à... Ben, ouais. Le prochain mot qu'on a oublié, mais qu'on devrait peut-être ramener en anglais, c'est grog blossom, un mot qui vient du 18e siècle. C'est la dilatation des vaisseaux sanguins causée par une surconsommation d'alcool. Donc, dans le nez d'un alcoolique, ce qui va faire un grog blossom, un gros nez rouge. Oui, ouais. On a tous déjà vu ça. Oh, que oui. Dans les petits bonhommes, en tout cas, c'est toujours exagéré, c'est très drôle. Dans la vraie vie, c'est rarement attirant, ça. C'est des cratères, c'est... Wow. Mm. Ensuite, lettuce cap. Lettuce cap, comme, je sais pas, genre de laitue. Bouchon de laitue. Ouais, c'est ça. Ça pourrait être un bouchon cap, ça pourrait être une casquette, ça pourrait être bien des choses. Donc, allons voir. Un appareil médical. L'auteur du livre, Chose Carsick, a dit que ça ressemble à un petit filet là, pour la tête, un peu comme on porte dans une cafétéria ou un restaurant. Mm-hmm. Pas de classe, là. Donc, utilisé au 16e et au 17e siècle, quand la tête du patient était rasée, le petit bonnet était rempli d'herbe, était placé sur la tête. Qui allait soulager des problèmes comme les maux de tête et l'insomnie. Ah. C'était un chapeau laitue, si on veut. Un petit bonnet laitue. Ensuite, on a Mumpsimus. Mumpsimus, M-U-M-P-S-I-M-U-S. C'est un mot de vieil anglais qui, à l'origine, voulait dire quelqu'un d'incorrigible et dogmatique. Mais éventuellement, ça a commencé à faire référence à l'opinion incorrecte, à une opinion incorrecte à laquelle quelqu'un s'accroche. Donc, quelqu'un a tort. Et probablement qu'il le sait, mais il s'accroche à cette fausseté-là. Oui. Cette foutaise. Et selon Carsick, le mot a une origine, a ses origines. C'est un homme du clergé au 15e siècle. Il était illettré, hein, qui avait incorrectement copié le mot latin sum psimus et l'a lu lors d'une messe. Donc, il a mal traduit ce mot-là. Mais le gars était illettré, donc comment est-ce qu'il a fait pour traduire le reste? Avec de l'aide, hein? Traduire, ben il l'a sûrement juste comme retranscrit puis il a fait une faute. Ah, probablement c'est ça, exact. Ensuite, je comprends ce que tu veux dire. Le gars faisait pas de la traduction, il faisait juste transcrire et non pas traduire. D'accord. Ensuite, le dixième mot, c'est night hag. Donc, c'est les gens qui vivaient à l'époque médiévale jusqu'au 19e siècle avaient un mauvais rêve. Ils pouvaient blâmer ça sur le night hag. C'est son modus operandi, hein, de ce démon femelle ou féminine, était de kidnapper les gens la nuit à dos de cheval et ensuite leur donner des cauchemars en produisant un sentiment ou une impression de suffocation, selon Kacirk. Il y avait plusieurs stratégies pour garder cette night hag loin de nous, dont placer du pain béni à l'église locale ou peu importe, dans une place locale où on bénissait le pain, là, en dessous de l'oreiller d'un enfant. Arranger les souliers sous le lit avec les orteils qui pointaient vers l'extérieur et accrocher des pierres autour de la tête de lit. Donc, les hagstones qu'on appelle les pierres spéciales. Pour ça. Les belles superstitions. Pas pire. Hein? Ensuite, le Nimgimmer. Nimgimmer, N-I-M-G-I-M-M-E-R. C'est un terme du 17e siècle pour un chirurgien qui spécialisait dans le soulagement ou... Bref, comment dire, régler le problème des maladies, entre autres, transmissibles par l'entregent, le clap, entre autres, qu'on appelle. Et pox, ça, c'est genre la varicelle. Donc, c'était un Nimgimmer. Ensuite, numbles, c'est un mot anglo-saxon pris du vieux français. Je sais pas c'est quoi en français, ça le dit pas. Numbles, N-U-M-B-L-E-S, qui fait référence aux intestins d'un animal et à ses organes internes, qui était mangé par les paysans dans un plat qu'on appelait de la garbage pie. Donc, une tarte de déchets. Ça a l'air fantastique. Ça gratiné, hein? Oh oui. Ensuite, pettifogger, P-E-T-T-Y, trait d'union, F-O-G-G-E-R. Du 16e au 19e siècle, les gens avaient des avocats qui s'appelaient des pettifoggers. Pour un certain frais, moyennant une rémunération, ces avocats-là étaient prêts à se chicaner, se battre sur des points légaux insignifiants ou utiliser des pratiques contre toute éthique pour gagner un cas. Donc, c'était des avocats véreux. À peu près. À la Breaking Bad et son Saul Goodman. Ensuite, Pigsnai, P-I-G-G-E-S-N-Y-E. C'est un certain Chaucer qui a inventé ce terme-là. Selon Cassick, l'auteur du livre dont on parlait, ça vient de la phrase « pig's eye », donc l'œil d'un cochon, c'est un petit mot d'amour pour ta chérie, ta tendre du ciné, ta douce moitié. Donc, utilisez ça peut-être l'année prochaine à la Saint-Valentin. Œil de cochon. Œil de cochon. Toi, mon œil de cochon, je t'aime donc ben. Je sais pas, on dirait que quand il y a cochon dedans. Ah, mais en même temps, c'est comme du bacon aussi. Ça, c'est flatteur, je te traite de bacon. Mais faut que tu le dises, du bacon. Ouais. Il y a pas de bacon fait à partir d'œil de cochon, malheureusement. Je pense pas. Ensuite, pile garlic, P-I-L-G-A-R-L-I-K. Ça, il y a de l'ail certain là-dedans. J'espère bien. Ça, c'est quand tu fais de la purée d'ail, c'est ça? Pile, ta garlic. Ouais. Ah, peut-être. Au 16e siècle, donc, c'est un mot qui voulait dire une tête chauve, donc sans cheveux. Apparemment, ça ressemblait à de l'ail pelé quand t'enlèves la couche extérieure de l'ail. Ensuite, Rattener, R-A-T-T-O-N-E-R. Personne ne veut dire qu'un exterminateur s'en vient, donc on utilise ce terme du 14e siècle, pris du vieux français ratonner, le mot raton, donc, et la racine médiévale, non, en fait, pardon, le mot médiéval latin ratonis. Les deux font référence à des rats. Donc, à la place d'appeler l'exterminateur, t'appelles le ratonneur, le ratonnier, le ratonnant. C'est moins dégradant. Un petit peu. C'était la liste des mots anglais qu'on a oubliés, qu'on pourrait ramener. Peut-être pas qu'on devrait, mais qu'on pourrait. Ben, il y en a certains qui pourraient être pratiques. Ratonner, c'est quand même beau. Ratonner, ouais. Astrologamal. Crapulence, particulièrement. Crapulence. Ouais, ouais. Petit coup de cœur pour crapulence, ouais. Je crois. Allez voir la liste et les définitions sur assemblagerequis.com, bien sûr. Vous êtes toujours à Assemblage Requis. On écoute une autre nouvelle entrée du palmarès anglophone que Stéphanie me suggère à l'instant. Oui! C'est celle d'In-Flight Safety. Animals! Oui, parlant de ratonner. Ouais, c'est un animal. Oui. Ratonnons avec In Fly Safety. Tous ensemble. Ratonnons là-dedans, la chanson. Flight Safety. Oh. Puis ça, c'était bon dans nos oreilles. Hey, hein? On a-tu de la bonne musique ici? Hein? Terrible. Et du bon contenu? Hein? Ok, oui. Après la pause, là, on fait-tu les instructions d'assemblage? Oui! Oui, on va se dire comment mieux vivre tous ensemble. Comme des petits lapins, on va vivre mieux ensemble, les copulés. Non. Moi, juste... Toi puis moi, ou on peut inviter d'autres gens? Sûrement chacune des requines. Juste des requines. Okay. Les requins, mais femmes. Puis moi? Tu veux vraiment embarquer sur le sujet? Non. Non. Fou de choses geek. Sur le campus de Trois-Rivières, c'est le 99. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. C'est Assemblage Rocky. C'est l'émission matinale en pièces détachées. On a bien du fun, comme toujours. Stéphanie Paradis là. Mathieu Plante, toujours là aussi. Oh oui. Justine Renaud s'en vient. D'habitude, sa collègue qui est à 8h, là, va être à 8h30 aujourd'hui, exceptionnellement. On la salue, on l'aime beaucoup. Donc, on lui laisse tout faire. L'émission est à elle. mais maintenant, ce qu'on va faire à la place, c'est apprendre comment mieux vivre, se donner des trucs dans la vie. On a besoin de ça. Voici les instructions de sondage. Nous vous remercions d'avoir acheté le machin. La poursuite de ces instructions vous conduira à son assemblage. Étape 1. Prenez d'abord le bidule et l'insérez tout au fond du tige numéro 2. Retournez ensuite la tournevis numéro 24 contre vous. Prenez quelques vis numéro 77 et boulinez aux charpentes numéro 39. Serrez ardemment avec la clé numéro 17. Repliez le tige numéro 45A. Ouais, mais ça marche pas. Le premier truc que j'ai envie d'essayer, c'est genre ouvrir les rideaux pour essayer de m'envoyer le soleil d'en face pour me réveiller le matin. OK. Je sais pas si ça marcherait. Je vais essayer sans les arracher. Je vais essayer, OK, parfait. Je te regarde parce qu'ils ont tendance à tomber facilement, tu sais. Hashtag, on est pas très bon pour se des rideaux. Ah, ouh, ah, chez vous. Ah, oui, il fait. Je peux pas pousser, tu sais, pour non. ouvrir un rideau. Je peux essayer d'ouvrir celui-là de l'autre bord. Merci, Steph. Bon. Cela étant dit, c'est les instructions d'assemblage, ça veut dire qu'on va prendre des petits conseils. On prend 15 minutes pour expliquer comment ouvrir des rideaux. Ben, c'est ça, il faut commencer par de la pertinence. On va commencer aujourd'hui, en fait, le vrai contenu avec une petite vidéo de BuzzFeed. Vous savez que BuzzFeed n'est pas nécessairement ma source préférée parce que je dirais que 95% de ce qu'ils postent, c'est de la crapulence à BuzzFeed. Pas BuzzFeed en passant, c'est pas le. C'est pas pied vibrant, c'est pas BuzzFeed, c'est BuzzFeed. Mais bref, OK. Donc, on va écouter une petite vidéo qui s'appelle 11 hacks de ramen instantané que vous devez essayer. On va écouter ça et faire pause comme on a fait il y a quelques temps de ça sur cette vidéo-là pour comprendre, OK? Bon. Here are some things you probably voici certaines choses que vous ne savez pas que vous pouvez faire avec les ramen instantanés. Fromage grillé. OK, donc ce qu'on a fait là, c'est qu'on a... c'est vraiment rapide. On brasse un œuf dans un bol, on rajoute du fromage râpé, on brasse avec une cuillère en bois. Jusqu'à maintenant. On met les ramen. On met les ramen, bien sûr. Ils sont cuits. Ils sont cuits déjà. On les met dans un papier d'aluminium, on ferme ça et on pèse dessus, bien comme il faut. On place dans du papier d'aluminium et on met au réfrigérateur, voilà. Ensuite, on sort le ramen, on le met dans la poêle, on le fait griller et on met entre les deux le mélange de fromage et d'œuf qu'on a fait tantôt dans le bol. Oh. Est-ce qu'on se comprend? Oui. Parce que là, on a fait le petit mélange, on a fait réfrigérer les ramen à part, donc sans le mélange, et ensuite, on rajoute le mélange entre deux tranches de ramen qui ont été grillées dans la poêle. Une sandwich. Miam. La pizza maintenant. On a un ramen sec. On prend le ramen, on le casse en deux, donc en deux parties égales à l'horizontale. On ajoute de la sauce par-dessus et on fabrique une pizza avec du fromage. On passe au four jusqu'à ce que ce soit cuit et complètement gratiné. Ça avait l'air bon, ça. Vraiment? Vraiment, l'image à la radio est parfaite, je le sais. Allez voir sur assemblagerequis.com, on vous le décrit le mieux possible. Ensuite, c'est des gnocchi. On appelle ça gnocchi? Des gnocchi. Gnocchi, parfait. Donc, on fait bouillir du lait. On enlève du rond. On ajoute deux briques de ramen complètes là-dedans. On les lance et ça explose dans le lait. On passe au malaxeur pendant 30 secondes. On craque 4 œufs dans des verres. Trois. Ça dit 4. Je suis à 4. Ah non, j'ai compté. Ah, OK. On ajoute les jaunes dans le malaxeur et on met du lait tel que nécessaire ou encore que vous le désirez, tel que désiré. On mélange que ce soit complètement uniforme. On met ça dans un sac Ziploc, le petit mélange qu'on va faire dans le malaxeur. On coupe un coin. On l'ajoute à l'eau bouillante. Et on les enlève une fois que c'est terminé. On finit ça dans le beurre, dans la poêle, et on mange ça. Ça a l'air cool, hein? Ça a l'air écœurant. Ça a l'air vraiment bon. C'est comme... c'est presque rien. C'est super simple à faire dans un sac Ziploc, dans le malaxeur. Craquer des œufs. Waouh! Ensuite, on y va avec... je suis revenu un petit peu en arrière pour rattraper le temps. Donc, on fait ça dans du beurre dans la poêle. Génial, on mange. Et si vous n'avez pas le temps pour ça... OK, on est calé. Ils veulent faire une vidéo de 2 minutes 25 pour que ça devienne viral parce qu'une vidéo de 3 minutes, personne ne regarde jusqu'à la fin. T'sais. Donc, on va y aller avec la prochaine liste dans cette même vidéo-là. C'est des affaires qu'on peut ajouter à ses ramen pour acheter de la saveur, mais si on n'a pas trop de temps. Okay? Donc, on va essayer de les lire en temps réel, mais ça passe extrêmement vite. Et go! Des œufs à coque. Des œufs à coque. Des œufs, du beurre, du fromage, des croquettes de poulet, de la sauce barbecue, du beurre d'arachide, de la vinaigrette ranch, salade, Tex-Mex ou juste nature. Est-ce qu'on a manqué là-dedans? Je pense que non. Tex-Mex? Tex-Mex? Tu sais, les mélanges de céréales avec du sucré salé. Hein? Aucune idée, ça a l'air bizarre. Ça serait super bon, ça. Donc, c'est via BuzzFeed et leur vidéo beaucoup trop remplie d'action pour les jeunes avec un déficit d'attention. Non, moi, je trouve que c'est pas efficace comme vidéo. Non, moi, j'aime pas ça. C'était sarcastique, clairement, je pensais. Mais... Non, c'est parce que t'es tout le temps en train de peser sur pause, fait que c'est pas grave. Les idées sont bonnes, mais je trouve que la vidéo est. Moi, ça me tape vraiment ses nerfs. Oui. On dirait qu'ils nous prennent pour des morons puis qu'on sera pas capable de tenir la route pendant 2 minutes et demie ou le. Genre. 1 minute 25, sérieux. Mais bon, on les aime quand même parce qu'ils ont du contenu intéressant. Bon. Ensuite, la soirée, la nuit parfaite, en fait, commence bien avant qu'on monte au lit. Ah. Quand on va se coucher, c'est une question de caféine. Donc, 6 heures avant de se coucher, on nous recommande 6 heures avant d'arrêter de boire de la caféine. Donc, ça veut dire du thé, ça veut dire de la liqueur, ça veut dire du café, bien sûr. Mm-hmm. On arrête tout ce qu'il y a de la caféine dedans. Sinon, on peut prendre de la liqueur, il y a de la liqueur sans caféine. On se demande tout le temps pourquoi ça existe. C'est pas juste pour les personnes âgées. Sinon, il y a du café aussi décaféiné. Ouais, mais du café décaféiné, il y a de la caféine quand même dedans, c'est ça la question. Mais vraiment pas beaucoup. Non, vraiment pas beaucoup. Quand même, non. En tout cas. Ben non, on a regardé ensemble. Oui, il y en avait quand même assez pour que ça vaille la peine. Ben non. Dans une tasse de café, c'était quoi? C'était 150, peut-être? Ça se peut. Milligrammes. Puis décaféiné, c'était genre 2,5. Là. Ah ouais. C'était, oh oui, c'était vraiment n'importe quoi. Parce que tu penses que dans les liqueurs décaféinés, il y a 100% zéro caféine? J'en ai aucune idée. Ben c'est ça, tu le sais pas. Non, je... Et c'est peut-être pas mieux. Là. Peut-être pas, je te fais confiance. Je te dis comme décaféiné. Toujours. Là. OK, parfait. Pas trop. Parfait. Ensuite, 3 heures avant, on arrête de boire de l'alcool. Non. Moi, je bois direct dans mon lit. 2 heures avant, on arrête de faire des exercices. Oui, ça va. Okay. Une heure avant, on arrête les appareils électroniques. Non, je regarde mon iPod dans mon lit. Entre 2 et 3 heures avant, on arrête de manger. Mais non, je mange des biscuits dans mon lit. Ensuite, on va se coucher. Oui. On arrête de travailler, on arrête d'étudier, on arrête de stresser, on arrête de vivre. Ça, je peux arrêter de travailler, arrêter d'étudier, mais pas de stresser. Je peux pas arrêter tout ça, voyons donc. Ah, ce ne sont que des conseils, Stéphanie. T'es pas obligée de les suivre, là. Bon. Raccourcissez votre voyage à l'épicerie en bloquant la musique avec un faible tempo. Il y a beaucoup de façons d'essayer de manipuler les magasineux, hein, les gens qui vont faire leur épicerie, qui vont acheter des trucs dans des magasins grande surface. On place, on sait tous, les affaires les plus chères au niveau des yeux pour encourager l'achat de ces produits-là. On va encourager l'interactivité, donc à toucher aux produits. On va avoir des petits kiosques pour essayer de la nourriture. Une étude publiée dans le Journal of Marketing nous montre que le tempo de la musique qu'on entend pendant qu'on magasine peut aussi avoir une influence sur les achats. Intéressant. Mm-hmm. Donc, l'étude nous apprend que de la musique rapide faisait que les magasineux allaient passer dans le magasin plus rapidement dans les rangées. Alors que de la musique lente avait l'effet renversé, l'effet opposé. Donc, en plus de ça, la musique avec un faible tempo avait une corrélation dans l'augmentation des ventes. Alors que la musique rapide réduisait les ventes en général. C'est quelque chose que la plupart des magasins vont exploiter, utilisant de la musique lente pour permettre aux gens de passer plus, de dépenser plus d'argent. C'est un peu la raison aussi qu'on va tout le temps avoir de la musique à la radio commerciale pour adultes, femmes, plus ou moins âgées, mettons 45 ans. La musique quétaine. C'est ça, là, avec une couleur, la station. Mettons, on va se le dire. Ou encore mais une sorte de rythme. Hein? Ça peut influencer aussi ce que ça va avoir le goût de manger, j'imagine. Mm-hmm, mm-hmm. Tu sais, par exemple, si c'est du Marco Cagliari, peut-être que je vais avoir le goût de me faire des pâtes. Oui. bon, Cagliaroni. Je suis de même. Peut-être si c'est du Éric Lapointe, je vais avoir le goût de faire de la coke. Excusez. Donc, un professeur de marketing à l'université Western Kentucky University a testé les effets entre ne pas avoir de musique à la... une cible, comme le mot. Avoir une musique lente et avoir une musique accélérée basée sur le comportement des gens qui magasinent. Sur une période de 9 semaines, les magasins jouaient des musiques à différents tempos. La musique lente était un tempo de 72 BPM ou moins. Tempo de 94 BPM et plus, c'était de la musique rapide. Et la musique instrumentale a aussi été sélectionnée pour éliminer l'effet d'entendre un homme ou une femme chanter, parce qu'on s'est aussi posé la question, est-ce qu'un homme ou une femme va changer les ventes? Donc, si vous êtes conscient de la musique qui joue dans un magasin, vous pourriez magasiner dans un endroit avec une musique que vous préférez. Comme il y a beaucoup de gens qui préfèrent, depuis que le magasin qui a une petite cible est ouvert, ils préfèrent magasiner là parce qu'il n'y a pas de musique du tout. Donc, tu te sens beaucoup moins stressé. Tu peux magasiner à ton propre rythme. J'avais pas remarqué. Aucune musique, même que c'est presque malaisant. Je trouve, parce qu'on entend vraiment les gens parler. On entend tout le monde. Mais c'est le seul endroit où c'est comme ça? C'est le seul endroit que je connais grand public qui est comme ça. J'imagine qu'il y a plein de petites boutiques qui n'ont pas de musique non plus. Non, d'habitude, les petites boutiques, il y en a. Ouais. Mais par exemple, au Walmart, est-ce qu'il y a de la musique? Il me semble qu'il y a de la musique. Mais on l'entend pas parce que c'est de la musique vraiment générique. Là. C'est de la musique super poche. Là. Mais oui, il y en a. Pour vrai, j'ai pas remarqué parce qu'il y a des boutiques, c'est tellement fort musique, t'as juste même pas le goût de rester là. Moi, ça m'énerve la plupart du temps, la musique. Là. En tout cas, dans les magasins. Ensuite, magasinez vos affaires pour la maison, par exemple votre papier de toilette, dans un magasin d'électronique ou d'outils pour économiser de l'argent. Hein? Oui, la prochaine fois que vous manquez de papier de toilette ou que vous avez besoin de café, votre instinct pourrait être d'aller à l'épicerie ou dans une grande surface, mais allez voir des endroits qui ne sont pas reconnus pour ces produits-là parce qu'ils essaient, eux, d'attirer du public. Donc, si vous n'avez pas remarqué encore, on commence à vendre des produits de la maison de tous les jours dans les bureaux, en gros, et autres. Le Wall Street Journal examine le papier de toilette chez Home Depot, le café chez Best Buy et le désodorisant chez Bureau, en gros. Comme quelque chose. Ouais. Donc, pour vous attirer, les prix sont souvent bien meilleurs que lors des épiceries traditionnelles. La théorie, c'est que si vous amenez dans un magasin avec ces produits-là faciles à acheter, vous pourriez décider plus tard que vous êtes là aussi pour acheter quelque chose d'autre d'électronique. Tant qu'à être là. C'est ça. Ben, tant qu'à acheter des affaires en ligne, t'es déjà au magasin, le modèle est le même et tu l'achètes devant toi pour, pour un prix, mais tu économises de l'argent sur l'essence en n'allant pas à l'épicerie, encore une fois, pour chercher du papier de toilette. Donc, si vous jouez correctement votre jeu, vous pourriez économiser plein de choses. Ensuite, estimez la bonne grosseur de condom grâce à un rouleau de papier de toilette. Ah! Lorsque c'est le moment d'avoir des relations sexuelles protégées, la plupart des conseils vous diraient juste d'utiliser un moyen de protection, peu importe lequel, et peu importe, même s'il n'est pas nécessairement parfait pour vous, au moins vous allez avoir une certaine protection. Par contre, un condom qui n'est pas bien de la bonne grandeur et qui ne fit pas nécessairement avec votre engin pourrait être beaucoup moins efficace que le bon condom. Logique. C'est logique, ça peut glisser, ça peut briser, casser, rompre, ça peut se perdre à l'intérieur de l'engin féminin. Donc, pour aider à estimer la grosseur dont vous avez besoin, utilisez un rouleau de papier de toilette. C'est sur le site de santé sexuelle Bedsider. Un président de compagnie de condom, Lucky Bloke, en fait une présidente, c'est Mme Melissa White, qui explique comment la grosseur du condom n'est pas toujours selon ce qu'on pense. Dans le fond, ça ne suit pas nos attentes. Par exemple, contrairement aux attentes qu'on pourrait avoir, 85% des hommes vont probablement avoir besoin soit d'un condom petit ou normal. Donc, les plus petits condoms sont la meilleure option pour 35% des hommes. Mm-hmm. Si vous avez eu déjà des relations sexuelles et que le condom est tombé, ou est, dans le fond, finalement, c'est ça, ça s'est logé à l'intérieur de l'engin féminin, ou si ce que votre copine ou copain vous disait, c'était que porter un... Ben, en fait, copain, dans ce cas-ci, j'avais pas fini la phrase, hein, que le condom avait l'air de... Ça donnait l'impression d'avoir porté un sac de papier, mais c'est que le partenaire aurait dû changer pour un condom plus petit. Truc de professionnel, donc, si votre partenaire aurait besoin d'un plus petit condom que le standard... mais qui n'a pas vraiment besoin... Attends un peu. Ça dit ici qu'il y aurait besoin d'un petit peu plus petit qu'un standard, mais pas d'un petit, parce que des condoms petits, mais ça, ce serait trop petit. Il y a plusieurs condoms japonais qui sont juste plus étroits que les condoms standards. Donc, ils sont pas plus petits en tant que tel en longueur, mais ils sont plus petits en termes de circonférence. Donc, les plus petits condoms sur le marché sont souvent japonais. Ah, intéressant. Ouais. Ensuite, les condoms standards sont la meilleure option pour 50% des hommes. Si votre partenaire est dans cette catégorie-là, vous allez avoir une grande multitude de condoms de partout dans le monde, parmi lesquels choisir, dont plusieurs options premium, donc de luxe ou luxueuses, qui sont bien supérieures à ce qu'on a essayé avant et qui vont donner une meilleure sensation que les condoms grand public. Donc, pour essayer d'estimer la grandeur, Lucky Bloke suggère d'utiliser un rouleau de papier toilette vide. Ça pourrait être un petit peu bizarre de placer son engin dans un rouleau de papier toilette, mais quand même. Selon Lucky Block... Fais ça tout seul. Ben, c'est ça. Selon Lucky Block, si tu as un petit peu trop d'espace dans le rouleau de papier toilette standard, tu devrais trouver un condom plus petit. Si c'est juste correct, un condom standard devrait fonctionner. Et si c'est trop serré, un plus gros condom va fonctionner. Donc, c'est le standard masculin et un rouleau de papier toilette. C'est quelque chose. Hein? C'est intéressant. C'est pas fait pour ça, mais ça fonctionne. Je suis certaine que vous allez tous l'essayer ce soir en arrivant à la maison. C'est un guide, bien sûr, donc fiez-vous pas complètement là-dessus. Et aussi, y a, je sais pas, ben, d'après moi, ils sont tous pas mal standards. Même les rouleaux triples et quadruples ont le même format. Oui, c'est le même... Le même carton. Le même carteron. Ensuite, on va parler de Pringles pour les deux prochains. C'est de faire cuire, pour commencer, des saucisses hot dog avec une canne de Pringles. Hein? Ouais, les cannes de Pringles qui ont une variété d'utilisation. On a parlé entre autres de faire un haut-parleur avec ça dans le temps. Mm-hmm. Un utilisateur sur Instructables, Cats Science Club, un guide pour fabriquer un mini-four avec une canne de Pringles. Évidemment, le plaisir n'arrête jamais. Comme quand t'en prends une Pringles, tu ne peux plus t'arrêter. Tu ne peux plus arrêter. Tu ne peux plus arrêter. Tu ne peux plus arrêter. Ouais. C'est un X. Bref, une fois que t'as mangé toutes tes superbes Pringles, qui j'espère étaient toutes d'un morceau, parce que y a-tu rien de plus plate que des Pringles en morceaux? Ben, ça arrive pas si souvent que ça. Là. Ça arrive trop, je trouve. Donc, on a besoin d'un petit pic de bois et d'un fusil à colle chaude. Hein? Pour coller la saucisse sur le bâton de bois. Bien sûr, non. Suivez pas ses conseils à elle. Suivez-les. Donc, le petit minuscule four va cuire en utilisant le pouvoir du soleil. Hein? Et l'utilisateur sur le Shocktables a posté un petit guide. Ça dit que la température va se rendre jusqu'à 170 degrés Fahrenheit lorsqu'il fait chaud. Lors d'une journée où il fait 80 degrés dehors, Fahrenheit va faire environ 170. Je n'ai pas la conversion en Celsius, mais on peut comprendre que c'est pas mal le double ou plus. Hein? Donc, on peut même mettre du plastique par-dessus l'ouverture pour permettre à la lumière d'entrer tout en gardant la chaleur à l'intérieur de la canne. Ne gaspillez pas vos cannes de Pringle. Et tu veux juste mettre ta canne au soleil? Dans le fond, c'est que tu fais... Ouais, c'est ça, on pourrait le décrire un petit peu plus via l'image, là, parce que les instructions sont sûrement plus longues que ça. Mais la canne de Pringle, on fait un trou dans le couvercle et un trou dans le bas du truc. On met un bâton au travers de tout ça, avec la saucisse intégrée dessus. On fait un petit trou en rectangle sur un des côtés de la canne de Pringle, donc vraiment sur la devanture. Et on met ça au soleil. Et vu que l'intérieur est en aluminium... quelque chose de similaire qui reflète la lumière, le soleil va venir plonger là-dessus, il va faire griller avec le double de la température ta saucisse. C'est sûr que ça pourrait prendre du temps, il va falloir que tu reviennes tout le temps à la revirée de bord, en même temps, t'as pas à utiliser de gaz de barbecue, t'as pas de briquettes à gaspiller, t'as pas de chaleur à rajouter dans ta maison avec le fourneau. D'accord. Mais bon, ça c'est juste un truc de fin de semaine pour s'amuser. Si là, c'est bon. Nuageux, tu manges pas de saucisse. Ben c'est non, ça. C'est ça. Nicolas. Un nuage, pas de saucisse, comme on dit. Oui. Enlever et replacer les Pringles, les chips, les croustilles dans la canne d'un seul mouvement. C'est une petite vidéo qu'on regarde ensemble, tous en même temps. Donc, on a une canne de Pringles, bien sûr. Là, le gars, il a des miettes dans son affaire. Là. Il a des miettes. Il essaie de rentrer sa main dans le tube, puis ça marche pas. Fait que là, il donne une fessée sur sa canne de Pringles. Mais là, pauvre petite canne. Je sais bien. Donc, ce dont on a besoin, c'est une canne de Pringles, une feuille de cartable, une feuille, peu importe, d'imprimante, on s'en fout un peu. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plier à l'horizontale la feuille, donc sur son sens long. On va plier la feuille. Ensuite, étape 2, on va ouvrir la canne de Pringle. On va faire un petit genre de U avec le papier. On va insérer ça dans la canne et les Pringles vont sortir comme s'il y avait un rack à Pringles. Comme dans les boîtes à biscuits. Exactement. Ah. Et pour vrai, ce conseil-là est tellement parfait parce qu'ensuite, on les remet dans la canne et tout est ni vu ni connu. On pourrait manger le tiers de la canne, la remettre dans l'armoire puis ton coloc pensait que c'était neuf puis qu'il n'y avait juste pas beaucoup dedans parce que c'est de même les chips dans la vie. Hein, donc, moi, ce que je dis, c'est que Pringle devrait se servir de ce truc-là et avoir préintégré, comme dans les barres de chocolat et comme dans les trucs à biscuits, un carton un petit peu plus épais que tu pourrais utiliser avec une petite languette, avec même un petit symbole Pringle, une tête dessus de Pringle, que tu puisses tirer le rack, manger les chips que tu veux et remettre le rack dedans. Ouais, ce serait pas fou. Ce serait pas fou du tout. Puis mm-hmm. Si le petit carton avait en plus, était en forme de L, il pouvait tenir au fond de la canette. Ouais. Comme ça, ce serait plus facile de les remettre. T'aurais pas à suivre le mouvement des chips pour réussir à les mettre à la bonne place. Moi, je trouve que c'est parfait et pour vrai, Pringle devrait s'en inspirer. C'est dit. C'est dit. Ouais. On se dit la vérité. Ensuite, utilisez une once de gras de bacon pour ajouter un petit peu de saveur à votre bourbon. Pour ceux qui sont amateurs d'alcool fort, donc du bourbon. Bacon, bourbon, deux mots qui sonnent très bien ensemble. Je pense que ça fit. Ça commence par la même lettre puis ça finit par les mêmes lettres. Hein? Qu'est-ce qui commence par B et finit par bon? Par on, excuse-moi. Bourbon bon et bacon. Bon. Bonbon. Donc, on devrait aussi rajouter des bonbons. Ballon. OK, ce serait moins le fun, ça. Un bavillon. Ouais. Bataillon. Bouillon. Oh! Ah oui, pas bouillon. Personnel. Et qui a l'air de t'intéresser. Ouais, bouillon. Brouillon. Brouillon. Bastion. OK, ça va faire. Donc, bacon et bourbon. Maintenant que vous bavez sur ces deux choses-là séparément, parlons de la combinaison des deux. Apparemment que c'est très délicieux pour améliorer votre fin de semaine, peut-être, hein, parce que là, on ne boira pas un jour de semaine quand même. Hein. Non, mais on ne serait pas de classe. Mais non. Maker's Mark, les producteurs d'un très bon whisky du Kentucky, nous dit-on. Je ne le connais pas, Maker's Mark, mais peut-être qu'il va y faire. Donc, partage cette recette de bourbon avec une infusion de bacon. Il a partagé ça chez Man Mad. Donc, le processus est quand même assez simple. Même les petits nouveaux dans le domaine de l'alcool ou des drinks mélangés vont être capables de faire ce genre de shooter, ou en tout cas de l'essayer en verre ou en shooter, peu importe. Donc, pour ça, vous allez avoir besoin de 3 à 4 tranches de bacon. Ouais, pas pire à date. 750 ml de bourbon, Maker's Mark, bien sûr. un contenant pour pouvoir le mettre toute la nuit. Et un truc, comment t'appelles ça? Un genre de filet, pas à fromage, là, mais presque en fait. Je pense qu'un truc... Un coton fromage? Un coton fromage, ou quelque chose qui va faire passer le liquide, mais qui va empêcher les morceaux de bacon de descendre dans le verre. Un coton fromage, d'accord. Donc, pour commencer, on va faire cuire le bacon dans la poêle, ou peu importe comment. Ça doit produire environ, peut-être pas n'importe comment, parce qu'il faut une méthode qui va faire environ un once de gras. Si ça en produit plus que ça, vous allez utiliser seulement un once parce que sinon ça va être trop. On attend que le gras refroidisse à la température pièce. On l'ajoute dans un contenant avec 750 ml de bourbon. On laisse ça dans le congélateur, pas le réfrigérateur, pendant toute la nuit. Et le lendemain, on va évidemment drainer, filtrer le mélange dans un deuxième contenant pour enlever les morceaux de bacon. Vous allez repasser ça au filtre une deuxième fois en reversant ça dans la bouteille de whisky d'origine. Donc, si vous avez la bouteille de whisky dans laquelle ça venait pour pouvoir ensuite commencer à utiliser ce whisky-là. Donc, maintenant, vous avez une bouteille de bourbon à savoir de bacon, et apparemment que c'est vraiment excellent. Moi, j'aimerais bien l'essayer. Je sais pas, moi, je trouve que ça a l'air un petit peu dégueu de rajouter du gras de bacon. En plus, ça a l'air comme compliqué à faire. Compliqué, moi, tu trouves? Ouais, moi, c'est pas quelque chose que je trouverais agréable de faire. OK, ben, je sais pas. Mais bon, prenez le conseil ou ne le prenez pas. Ensuite, on a déjà parlé, ça c'est vraiment super simple, c'est juste pour m'amener au prochain que j'en parle, c'est d'ouvrir un sac de chips de croustilles par le bas pour éviter d'avoir des miettes au fond. Les miettes vont venir se mélanger à toutes les chips et la saveur va plus être présente dans le sac au complet. Ça c'est quand même évident. Vous pouvez aussi changer le sac en bol en roulant les côtés du sac ou en ouvrant le sac à partir du milieu. Ça c'est nouveau pour moi. Ah, mais moi, à cause de mon trouble obsessif compulsif, je serais incapable d'ouvrir un sac de chips par le fond. Ça va être écrit à l'envers, j'avoue que c'est insoutenable. Hein? Je suis pas capable. Non, moi non plus, c'est comme des biscuits. N'importe quel emballage, en fait, comment? Non, tu peux pas. Déjà qu'il y a des cannes de conserve à l'envers, comment? Ah, voyons donc, mais quand j'étais petite, j'ai déjà chicané mon grand-père parce qu'il avait ouvert le sachet de ketchup par le côté où c'était le fond de la bouteille. Ah non, non, non, non, non! Oui. En tout cas. Mais donc, ouvrez le sac de croustilles du milieu du sac à la place ou à partir du bas, si vous en êtes capable. Moi, je dis que sur le côté... Pourquoi t'en serais pas capable de l'ouvrir par le fond? Ben, capable. Psychologiquement okay, parlant, psychologiquement, Steph. Tu parlais de moi. Oui, oui. Maudite folle comme toi. Non, t'as plein de qualités. Mais si tu l'ouvres par le milieu, ça va t'écrire à l'endroit si tu veux parce que tu peux mettre le sac à l'endroit vers toi. Oui, oui, oui. Au moins, tu gagnes là-dessus. Mais bref, c'était pour m'amener au prochain. C'était de brasser une boîte de céréales d'un côté à l'autre. Gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite, pour avoir des particules plus distribuées. C'est intéressant, ça aussi, là. À la place de l'ouvrir par en dessous, ce qui aurait été mon conseil à la barre, j'aurais dit ouvre la boîte de céréales par en dessous comme tu ferais avec les chips, mais non. Donc, un des mystères de la vie est pourquoi est-ce que quand tu ouvres une boîte de céréales, les plus gros morceaux sont tous au sommet alors que les plus petits morceaux sont pris en bas? Ben, Mental Floss explique que c'est l'effet muesli, un phénomène connu, répandu et étudié par la science, et qu'un simple brassage de boîte peut réparer le tout. Ça va pas péter les autres muesli? Ben non, c'est fait fort des muesli, là. C'est fait fort. Donc, l'effet muesli, c'est la tendance de différentes particules de différentes grandeurs de se séparer. Tendance à se séparer. Les plus grosses particules vont paradoxalement terminer au-dessus, sur le dessus de la boîte, et les plus petits, en dessous. Ça arrive aussi dans des sacs de noix mélangées, ce qui explique pourquoi les noix brésiliennes et Brazil nuts sont toujours sur le dessus. Donc, on l'appelle aussi l'effet Brazil Nut, cet effet-là. Et dans les jardins, peu importe comment de roches t'enlèves du sol, il va toujours y en avoir plus le lendemain qui vont toujours être sur le dessus. Donc, les ingénieurs nous apprennent que la façon que les contenants sont brassés lors de l'emballage, c'est-à-dire verticalement, parallèlement à la gravité, ça fait que les particules les plus grosses vont monter. C'est intéressant. Cet effet-là cause ça, c'est brassé verticalement. Donc, toi, tu dois annuler ça en brassant de gauche à droite. C'est vraiment cool. Comme j'aurais jamais pensé que la science pouvait expliquer les boîtes de céréales. Ben non. C'est donc peu importe si vous avez des fruits, des flocons, peu importe dans vos céréales, brassez ça à l'horizontale. Ensuite, donc juste pour comprendre, parce qu'il y en a qui pensaient que brasser à l'horizontale voudrait dire de mettre la boîte couchée sur le côté. C'est pas ça que ça veut dire. C'est de la tenir verticalement, avec le texte verticalement, obsessivement, compulsivement, et brasser à l'horizontale gauche-droite. Est-ce qu'on se comprend? Oui. J'ai assez expliqué. Ensuite, choisissez le deuxième vin le moins cher dans un restaurant pour avoir la meilleure valeur. Tu sais, le vin a beaucoup de variétés, différents degrés de valeur. Qu'est-ce qu'il y a? Moi, parce que moi, je fais ça, mais pour pas avoir l'air trop cheap. Pour pas te faire juger par le serveur. Ben, si tu prends le moins cher, t'as juste l'air de « Ah, j'ai pas une crise citienne, mais je veux boire. » Mais si tu prends le deuxième, t'as juste l'air de « Ah, oh, je connais un petit peu plus ça. » Je vais y aller avec lui, ouais, parce que je pense qu'il a l'air bon. Mais t'as pas juste l'air cheap quand tu prends le moins cher, t'as l'air d'une soulonne cheap. C'est deux fois pire. T'as l'air de vouloir boire beaucoup pour pas beaucoup d'argent, tu sais. Ben, c'est ça. C'est les deux en même temps, c'est encore pire. Bref, le vin, beaucoup de variétés, beaucoup de degrés de valeur. Ça peut être intimidant de commander lorsqu'on est dans un restaurant fancy. Un sommelier chez Simplified Wine a quelques conseils pour choisir et commander un vin qui pourrait enlever un peu de confusion et d'intimidation. Donc, cet homme a parlé à The Art of Manliness, un de mes blogs préférés. J'aime beaucoup ce blog-là. Donc, pour choisir un vin qui s'agence bien avec votre nourriture, quelque chose d'assez compliqué, mais bon, maintenant qu'on les pastilles de goût, même un simple moron peut aller accoupler son tu peux vin même de repas. Y aller! Même moi! Même moi! Donc, si vous avez commandé un vin au verre, donc à la coupe et non pas en bouteille, que vous avez aucune idée quoi faire, choisissez le vin qui n'est pas le plus cheap, le moins cher, mais le deuxième. Ça va toujours être la meilleure valeur dans un restaurant. Donc, choisir un verre de leur vin le moins cher va venir d'une bouteille qui leur coûte en moyenne 4$ peut-être. C'est ce qu'on nous dit. Alors que si vous choisissez le deuxième, ça va probablement être 2$ de plus si vous avez commandé un vin qui a coûté au restaurant au moins deux fois plus cher que leur bouteille la moins chère, selon leurs études. OK. Donc, la bouteille la moins chère leur a coûté 4$. Si tu choisis celle qui coûte donc 2$ de plus dans le menu, ça va leur coûter à eux le double, donc 8$. Est-ce qu'on se comprend? Mm-hmm. Donc, tu sauves de l'argent. Bref. Certains restaurants, évidemment, connaissent cette tactique-là du deuxième vin le moins cher, donc essaient d'augmenter le prix, mais c'est pas chaque établissement qui va faire ça, qui fait ça avec son vin, bref. On suggère aussi de choisir des vins qui viennent de bonnes régions, comme l'Argentine ou le Chili. Et si vous voulez un vin, on dit domestique dans l'article, évidemment, c'est américain. Donc, l'État de Washington, entre autres, produit du bon vin quand même. Certains serveurs dans les bons établissements vont savoir ce qu'il y a sur une liste de vins, alors que certaines autres places vont avoir un sommelier qui va venir vous aider. Donc, mais ça, c'est dans des restaurants super chers. Ouais, c'est ça, j'y vais pas. S'il y a un sommelier là. Hein? Si t'as les moyens d'aller dans un restaurant où il y a un sommelier, t'as pas besoin de te casser la tête avec le prix de ton vin. Exactement, parce que t'as dans la poche la somme sur une liasse ou la somme liasse pour payer. Ok, laisse-moi. Prochain. Une meilleure façon de mettre de la lime dans une bière, c'est d'utiliser un couteau. Une coutelle. Un couteau? Un couteau ou une coutelle. Donc, mettre de la lime dans une bière, c'est quand même assez simple. On pousse le quart ou le quartier dans une... Peut-être pas le quart, ça va être trop. Le quartier, voilà, dans la bière. On pourrait aussi utiliser un couteau pour glisser ça dans la bouteille pour une saveur maximale. Le problème avec la méthode, quand on pousse la lime, je pense que tu dois l'avoir remarqué, là, c'est quand même assez évident, là, c'est que quand tu pousses sur la lime, Caroline, des fois, il y a du jus qui va sortir. Oui. C'est ça. C'est comme quand tu pousses sur à peu près n'importe quoi. Il y a du jus qui sort. Donc, ça va évidemment prendre le petit quartier dans le goulot. Ça va être pogné là, puis des fois, tu vas peser, puis ça va sortir du jus. Donc, sur le blog Bridging the Nerd Gap, on utilise un couteau pour canaliser le jus de lime dans la bouteille. Le jus de gym. Pump up the gym. OK. Oh boy. Ouais. Donc, c'est pour pousser. Évidemment, on va mettre ça du côté où ça va empêcher le jus de squirter. Hein? Ouais. Après, ça va squirter sur le couteau, puis le couteau va faire amener le jus dans la bouteille. On se comprend aussi. Voilà. Faites attention, évidemment, pas vous faire mal. Hein? Mais prends un couteau à beurre. Ben, c'est ça, prends un couteau à beurre. T'as bien raison, à beurre. J'ai bien raison. Ben, oh. T'es presque aussi drôle que moi, c'est-à-dire pour partout. Non. Ensuite, quelques conseils de productivité. On nous conseille de prendre une pause pour se lever debout à chaque 20 minutes pour garder ton corps en santé. Hein? Donc, à ce point-ci, on sait tous, on a déjà parlé des milliers de fois, que s'asseoir, ça va te tuer, probablement. c'est ce que les articles nous portent à croire. Tu vas mourir à cause que tu t'assieds tout le temps. C'est bon, c'est dit. Donc, ça dépend, si t'es un fakir peut-être, là, un fakir. Tu t'assois sur des clous. Donc, t'as besoin de te lever et de bouger pour rester en santé. On cherche des chiffres exacts, on veut tout le temps avoir exactement le conseil. T'sais, on veut pas se faire dire « lève-toi debout », je le sais, c'est « lève-toi debout » pendant à chaque 20 minutes qu'on pendant 20 minutes à chaque 10 minutes. C'est ça. C'est super productif. Assieds-toi jamais. Donc, sur NPR, la radio publique américaine, à l'émission Fresh Air, on nous dit très simplement, on recommande de rester debout pendant 2 minutes à chaque 20 minutes lorsqu'on est assis tout le temps à un bureau. On peut même bouger ailleurs dans le bureau. Il y en a qui vont dire juste aller jeter quelque chose à la poubelle, te faire prendre une marche, aller te laver les mains, aller faire pipi. Aller chercher un café à chaque 20 minutes pendant 2 minutes. Ça a l'air tellement simple, mais ça a des conséquences profondes, nous dit M. Reynolds sur Fresh Air. Donc, si tu te lèves à chaque 20 minutes, même si tu fais absolument rien, ça va changer comment ton corps répond physiologiquement. C'est un expert, donc moi, je lui ferai confiance. Ça a peut-être l'air gossant de se lever à chaque 20 minutes. Là, j'avoue que c'est beaucoup. 20 minutes, c'est pas beaucoup, 20 minutes, ça veut dire. Dans une journée, tu vas te lever combien de fois, tu sais? Ben, moi, j'ai l'impression que si tu travailles, te lever à chaque 20 minutes, ça te défocus sur ce que c'est tu fais. Tu sais, quand t'es concentré, par exemple, si t'écris un texte ou tu fais un montage quelconque, puis que là, tu fais « Ah, faudrait que je me lève », tu reviens, puis ça prend quand même un certain temps à te remettre dans le même rythme. Oui. dans lequel tu étais embarqué. Qu'est-ce que je faisais déjà? Je t'ai rendu où? Ouais, c'est ça. 20 minutes, ça peut être beaucoup. C'est-à-dire, ça peut être très souvent, je trouve. Ouais, je trouve aussi. C'est 3 fois par heure, 8 fois par jour. Ça fait combien, ça, 24? Je pense qu'on pourrait se dire peut-être aux demi-heures déjà. Environ. Ça serait déjà moins pire. Ce serait déjà pas si mal que ça. Donc, il y a la technique du Pomodoro. Il y a des applications pour iOS et Android et tous les téléphones là-dessus. Pomodoro, ben oui. C'est super simple pour avoir une petite alarme qui va vous sonner pour savoir quand vous levez. Toujours en productivité, de planifier 2 pauses de 15 minutes dans votre horaire pour éviter un burn-out. Ah, pas trop. Les gens ont tendance à travailler toute la journée sans jamais prendre de pause, sauf peut-être pour dîner. j'avoue que je suis de même, je prends pas de pause, j'aime pas ça. On m'a déjà forcé à prendre des pauses quelques fois. C'était quand même bien, mais je ferai pas ça tous les jours. Ça m'enlève ma productivité aussi parce que je veux tout le temps finir ce que je suis en train de faire. Mais bon. Ouais, mais des fois, entre deux trucs, ça peut valoir la peine. Déjà, je te levais, aller chercher un café. Ouais. Peut-être aller s'asseoir 2 minutes sur un banc à l'extérieur quand il fait beau. Tu sais, les gens qui fument prennent plus de pauses. Fait qu'ils sont peut-être plus heureux. Peut-être, c'est vrai. Ils vont mourir plus jeunes, mais morts heureux au moins. Ouais, c'est ça. Mais ils vont prendre de l'air plus souvent. Fait que je pense que ça vaudrait la peine de se forcer. Hey, on pourrait peut-être sortir dehors aussi. C'est ça, puis exactement. Et aller aux toilettes comme beaucoup trop fréquemment, comme moi, c'est pas une pause, vraiment. Non, ça compte pas. Mais ça rentre dans tes 2 minutes, des fois tu te lèves aux 20 minutes. Ça, c'est vrai, ça. Mais en même temps, je vais me rasseoir. OK, donc, on sait tous que prendre des pauses, ça augmente la productivité. Ce qu'on ne sait pas, c'est comment c'est facile de prendre des pauses. Le Harvard Business Review suggère de simplement vous mettre 2 cases de 15 minutes dans votre journée pour vous assurer de vraiment prendre une pause. L'idée est rien de nouveau, bien sûr. Ça vous donne assez de temps pour relaxer, reprendre votre énergie. Et on a quelques suggestions pour à savoir quand les prendre ces pauses-là. Donc, le défi, c'est toujours de trouver le moment approprié pour prendre une pause de 15 minutes. C'est quand même un long bout de temps. Même quand on a le temps, c'est difficile de se tasser de notre ordinateur. Ou des fois, il y a quelqu'un qui nous approche, qui nous dit « Peux-tu faire quelque chose? » Puis là, tu remets ta pause plus tard, puis finalement, tu n'apprends pas. Bon. Donc, une approche qui pourrait aider, ce serait de bloquer vraiment une portion, une heure précise. Donc, une à la mi-matinée et l'autre à milieu d'après-midi. Donc, une case qui est dans ton horaire, c'est comme ça. Même si tu es en train de parler à quelqu'un, c'est « Ah, break syndical! » Moi, je trouve que ça fait vraiment bête. Moi, je ferais pas ça. Ça a l'air bête. Ben oui, puis je veux dire, tu vas où quand tu prends ta pause? C'est ça. Je pense que c'est pas tous les endroits où tu peux aller comme ailleurs. Mm-hmm. Ouais. Ça dépend des emplois aussi. Là. Exact. Il y en a quand tu as une rotation d'employés, que c'est l'heure de ta pause, il faut que tu apprennes là, sinon tu as peur. C'est ça, exact. Donc ensuite, c'est de trouver quelque chose d'actif à faire et à mettre sur votre calendrier. Donc prenez une marche, une promenade, étirez-vous en écoutant une chanson peut-être. sortez avec tu fais ça où? Excusez-moi, tu travailles dans un restaurant, tu fais ça où entre deux tables? Où tu veux. Sinon, sortez avec un collègue de travail pour peut-être prendre une collation à quelque part. Ces activités-là ont l'air passives, mais quand même, tu te sers de ce temps-là pour relaxer. Et encore une fois, tu es debout. Donc, je pense que ça va avec le conseil juste avant. Donc, la chose est de ne pas être devant ton ordinateur parce qu'on a tendance à prendre des pauses. Comme bon, je vais prendre une pause, mais aller sur Facebook. Ben oui. Par exemple. C'est sûr. T'sais. Bref. Ensuite de ça, je pense qu'on va en faire un dernier. Je pense. Ouais. Ben oui, pourquoi pas. Un dernier. Pour éviter un burn-out, assurez-vous de faire régulièrement quelque chose que vous aimez. Hein? Donc, le burn-out qui est un vrai problème, surtout pour ceux qui sont super achievers, qui veulent tout le temps soit impressionner ou soit dépasser leurs propres attentes ou tout le temps faire mieux. Donc, le plus grand cas de burn-out, par contre, n'est peut-être pas ton incapacité à prendre une pause au travail, mais plutôt de t'empêcher toi-même de faire ce que t'aimes ou quelque chose qui est important pour toi. C'est quand même quelque chose. Donc, c'est un développeur web qui s'appelle Kent Nguyen ou Nguyen qui avait des difficultés avec un burn-out pendant quelques temps. Et il s'est inspiré par les recommandations récemment de Mirce Mayer qui est chez Yahoo. Et Kent nous l'analyse, voilà, il nous en parle un petit peu. Donc, la solution contre un burn-out est quand même assez simple. Faire ce que vous aimez et quelque chose qui est important pour vous. Donc, une autre façon est de se poser la question qu'est-ce que tu peux absolument pas faire? Qu'est-ce que tu dois absolument faire dans la vie qui te rend heureux? Sans quoi est-ce que tu ne pourrais pas vivre? Bref, c'est manger. Ça. C'est manger. Qui pour toi, ça donne bien, c'est aussi ta job. Manger. Donc, tout va bien ensemble. Essayez pas de trop de trouver la réponse. Faites juste la vivre, votre réponse. T'sais. Vous connaissez peut-être pas la réponse maintenant et peut-être que vous allez juste la découvrir en la faisant, mais trouvez des activités. Essayez, sortez, faites des affaires de plus que vous n'avez pas fait dans votre vie et vous allez éventuellement tomber sur quelque chose que vous aimez, un peu comme tomber sur la personne de votre vie. Ça n'arrivera pas en la cherchant, ça va arriver. Par hasard. Je pense que c'est pour ça que j'ai voulu faire la chronique Master Steph. ça me permet de cuisiner des desserts, ce que je prenais pas le temps de faire assez souvent parce que je veux pas toutes les manger toute seule. Là, je peux les faire, puis je les partage avec tout le monde. Oui, merci en plus, c'est tellement bon. Ouais, toi, t'en profites. Là. Toi, oui. T'as juste l'étape manger, c'est bien. Continue d'avoir des passions, c'est ce que ça veut dire. Bref. Voilà pour les instructions d'assemblage. On a fait faut que tu prennes le temps de jouer à Donkey Kong, Mathieu. Oui, mais je le fais pas assez encore. Mais bon. On prend une petite pause. Au retour, c'est la chronique de Justine Renaud, Justine Pertine. Oui. Ah, restez là. À Trois-Rivières, c'est le 89.1. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Bonjour, c'est toujours Assemblage requis, l'émission matinale en pièces détachées avec Stéphanie Paradis. Et avec Mathieu Plante. On est à, espérons-le, quelques minutes à peine de Justine Renaud et sa chronique Justine Pertine. Mais avant ça, on écoute Fanny Bloom. Ah oui. Oui. Et son hommage à un humoriste québécois. Sugar Sammy. Sugar Sammy. C'est ça, pas vrai du tout. Voici juste Sammy. Et sa flûte de pain. Aimes-tu ça? Ben, ça dépend. Souffle a repris sa cadence. Des fantômes se sont tus et la paix est revenue claire et franche. Alors la lumière est entrée par le bout de tes doigts. Je vois que la lumière s'éteint pour te laisser briller, mais je ne comprends pas. Vos amis, après nos élans défendus, j'ai décidé de ce qui ne m'appartenait plus, et j'ai fait ça pour toi. Je vois que les lumières s'éteignent pour te laisser briller, mais je ne comprends pas. Oh. Nos amis, amis, prénoms et l'on défendu. J'ai décidé de rendre ce qui ne m'appartenait plus. Et j'ai fait ça pour toi. Ah, Fanny Bloom et la pièce Samy Samy. C'est bon. Oui. Ça m'impressionne. Ça a mis du bonheur dans ma vie. Ah, c'est encore mieux. Ça a mis du bonheur dans ma vie. Parfait. Ce qui nous amène, en passant, on est encore à quelques minutes de Justine Renaud-Mathieu. Encore. Ce qu'on va faire maintenant, à la place, c'est d'embarquer dans le célèbre poste d'écoute d'Assemblage Rocky, bien sûr. Le poste d'écoute avec Stéphanie Paradis. Poste d'écoute. Quand même Mathieu Plante. Oh. Assemblage Rocky. Voyons, c'est pas le fourreau, ça. Oh. Le pas le fourreau, oui. C'est. Assemblage Rocky, bien sûr. Donc, aujourd'hui, de quoi je vous parle? En fait, de qui je vous parle? Parce qu'on sait que je vous parle de musique. Mm-hmm. Et je vous parle de cause. Coves. C-O-V-E-S. OK. OK. Je vois. Donc, Coves est originaire de Leamington Spa en Angleterre. Donc, aujourd'hui localisé à Londres. Donc, on va dans les grandes villes. Donc, il s'agit d'un duo formé de John Ridgard et de Beck Wood. Donc, c'est un gars et une fille. Et tous deux participent à l'écriture et à la performance, alors que John s'occupe de la production. Leur premier album, en fait, il vient tout juste de sortir en 2014, c'est Soft Friday. C'est son premier album. Et on s'en va tout de suite écouter du bon indie rock dans le poste d'écoute. Et ça me fait penser vraiment beaucoup à quelque chose qui a déjà été sur le palmarès, mais j'ai pas réussi à mettre le doigt dessus. D'habitude, je suis bon là-dedans, je vais essayer. Donc, si tu pouvais m'aider, je te laisse écouter et m'en parler après. Et on s'en va tout de suite entendre Beatings de Cause. Dans le poste d'écoute d'Assemblage Rocky. c'était Last Desire de Cove. Et tout juste avant, dans le même bloc, c'était Beatings, tiré de leur premier récent album Soft Friday. Ça passe bien dans mes oreilles, en tout cas. Hein? Pas ah, pire. Ouais. Là, j'ai quelques petites informations random. OK, d'accord, okay? Donc, on y va un peu random. Ouais, random, on parle à caméra? Oui. Caméra 3. Le band est sur Wikipédia. Mais il est ni en anglais, ni en français. T'es genre en allemand ou en suédois. Alors que pourtant, c'est clairement un groupe du Royaume-Uni, tu l'as dit tantôt. C'est ça, c'est ça. Mais il n'y a pas de page en anglais sur le band. Drôle. C'était ça, en allemand ou en suédois, là, je pourrais pas dire exactement. Et c'est ça quoi, mentionne les bons albums, c'est vraiment le groupe Oui, parce question. Que j'ai vu quelques mots, dont le titre de l'album et tout ça, et la ville d'origine. Donc c'était vraiment ce band-là. Nul n'est prophète en son propre pays. C'est ça. En tout cas, je sais pas trop ce que ça voulait dire. Ça, là. Ouais. Hey, la formation devait venir en Amérique pour une tournée, mais malheureusement, elle a dû reporter cette tournée-là à cause d'un problème de visa. Ah non! C'est vraiment plate, mais on espère que le problème va se régler quand même assez vite, parce qu'il devait donner une prestation au Divan Orange à Montréal le 4 octobre prochain. Ça aurait été cool, ça. Puis ce serait dommage qu'on puisse pas avoir cette chance-là à Montréal. Donc, on espère que ça va se régler. Ils se sont fait renvoyer du pays, puis des Amériques. Puis ils vont revenir, hein, ça fait un Américochet. Ensuite, sur leur site Internet, on peut se procurer pour seulement 10€ une copie autographiée. Hein? C'est quand même cool, mais il faut faire vite parce que le nombre de copies est limité, bien entendu. Et on peut aussi se procurer le vinyle de leur simple Beatings. C'est fun! Ben oui! Bon! Hey! Quoi? On retourne en musique? Deux autres chansons? Oui! Et on commence le bloc avec Fall Out of Love, toujours de Cove, au poste d'écoute à Assemblage Requis. Ça va être bon, hein? Es-tu prêt? C'est sûr. Je suis prêt, là. J'attends rien que ça. Tellement. Rien que ça. Eh ben. We'll be right back.

good little town. They were lost and never found. Falling leaves, on the ground. And a crooked little town. They were lost and never found. Falling leaves on the ground. Run away before you drown. All the streets will beat you down. Falling leaves, on the ground. Run away before you drown. Falling leaves, on the ground. Run away before you drown. Bon vieux Billy Talent qu'on a ressorti des Boulamites avec Falling Leaves. Avant ça, on avait Scatterbrain, As Dead As Leaves, c'est de Radiohead. Et la première toune d'automne des Cowboys Fringants. Devinez quel est le lien. Ça ils fait ont pas du talent. Oui, c'est ça. Ah, oui, oui. Ça passe à la radio. Oui. Exactement. Ils ont des têtes aussi. Je pense. Head, Radiohead. Je vais vous aider un peu. Là, les trois chansons parlaient d'automne. Ben, non, ils ne parlaient pas nécessairement d'automne, mais en tout cas, il y avait au moins une composante d'automne, c'est-à-dire des feuilles ou des affaires qui sont mortes comme des feuilles. OK? Et j'ai l'altulé. Oh! Il est trop tôt, Mathieu! Moi, je l'aimais, j'ai de la tulipe. C'était probablement la personne la plus vieille qui réussit à me faire rire, là. Ouais. Non, moi, c'est ma grand-mère. Elle est tellement hot. Je sais pas. Je pense que peut-être que ma grand-mère est un peu plus vieille que lui. On aurait dû les matcher. Donc, c'est étendu? Ben, c'est tout pour ma chronique Justine Pertine où j'ai été pertinente cette semaine sur un sujet qui est l'automne. À 90% pertinente. Merci, Justine Renaud. 90, c'est bon. J'ai augmenté d'un bon 50%. Moi, c'était nous autres, le 10% pas pertinent. À peu près, mais ça fait partie de la chronique. Finito finito. On te retrouve dans deux semaines pour une autre chronique Justine Pertine. Merci, Justine Renaud. Nous, on termine l'assemblage requis ici. Oh, pour la semaine. Non! C'est ça, on va être obligé de dormir demain matin. Mais on est de retour lundi entre 6h30 et 9h30, en direct à partir de 7h30. Une autre émission qui vous attend, ça va être fascinant lundi. On remercie Justine Renaud, on remercie toi Stéphanie Paradis. Merci Mathieu. Merci. Restez là parce que deux filles, deux styles, une émission. 2-2-1! 2-2-1! 2-2-1! Ça revient dans quelques instants. C'est l'émission de Blues et de Rock émergent. Ensuite, à 11h, le dîner de con avec Danny Janvier. À 13h, la série de documentaires créateurs de son. À 15h, l'émission de littérature à livre ouvert. Ensuite, la rediffusion du Mathieu Plante Show à 16h. 19h, 13e étage, 21h, Radio Sonic, Sifu.ca pour la programmation complète. Assemblagerequis.com pour les notes de l'émission, les balados diffusions. On se quitte avec une chanson de Salomé Leclerc. Moi, j'ai ben trop de plaisir. On commence le show. OK. Sa chanson s'appelle Arlon. Fait qu'on y va. C'est par là, je pense. Par là. Ouais, pour ça, c'est par. Parlons. Je pense qu'elle avait pas trop travaillé. Pas vraiment okay, du tout, en fait. 2-2-1. Elle a dit. Bye. Tu cours.